Quatrième partie, chapitre 12, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 12, de la tristesse. La tristesse qui est selon Dieu, dit saint Paul, opère la pénitence pour le salut, et la tristesse du monde opère la mort. La tristesse peut donc être bonne et mauvaise, selon les divers effets qu'elle opère en nous. Mais elle y en opère plus de méchants que de bons, car il n'y en a que deux qui sont bons, à savoir la miséricorde et la pénitence. Et il y en a six fort méchants, à savoir l'angoisse, l'indignation, la jalousie, l'envie, l'impatience et la mort. Ce qui a fait dire aux sages que la tristesse fait périr beaucoup de personnes et ne porte aucune utilité. L'ennemi s'en sert pour tenter les bons juste dans leurs bonnes œuvres, comme il tâche de porter les méchants à se réjouir du mal qu'ils font. Et comme il ne peut procurer le mal, quand les faits sont trouvés agréables, il ne peut aussi détourner du bien quand les faits sont paraître incommodes. L'on peut dire même que, livré qu'il est pour toute l'éternité à la tristesse le plus désespérée, il voudrait que tous les hommes fussent tristes comme lui. La mauvaise tristesse trouble l'âme, l'inquiète, inspire les craintes déréglées, dégoûte l'oraison, accable l'esprit d'un assoupissement mortel, l'empêche de profiter des bons conseils, de juger sainement des choses, de prendre aucune résolution ou d'avoir le courage et la force de rien exécuter. En un mot, elle fait sur les âmes la même impression qu'un froid excessif fait sur les corps, qui devient comme perclus et incapable de tout mouvement. Si jamais filoté, votre cœur est atteint de cette mauvaise tristesse, servez-vous bien de cette règle. Quelqu'un de vous est-il triste, dit saint Jacques, qu'il prie. En effet, la prière est un souverain remède, puisqu'elle élève l'esprit en Dieu, qui est notre joie et notre consolation. Mais employez dans votre prière ces paroles et ces affections qui inspirent la confiance en Dieu et son amour. Ô Dieu de miséricorde, ô Dieu infiniment bon, mon sauveur débonnaire, ô le Dieu de mon cœur, ma joie, mon espérance, ô le cher époux de mon âme, ô le bien-aimé de mon cœur. Combattez vivement ce que vous pouvez sentir d'inclination à la tristesse, et bien qu'il vous semble que ce soit froidement et lâchement, ne laissez pas de le faire, car l'ennemi qui pourtant nous donnait de l'indifférence et de la langueur pour les bonnes œuvres, cessera de nous affliger, d'autant plus qu'étant faites avec quelque répugnance, elles en valent mieux. Soulagez-vous par le chant de quelques cantiques spirituels. Ils ont souvent servi à rompre le cours des opérations de malin esprit. Témoigne Saül que David, par les 12 accords de sa harpe, délivra plus d'une fois du démon qui le possédait et qui l'obsédait. Il est bon de s'occuper extérieurement et de diversifier ses occupations, soit pour dérober l'âme aux objets qui l'attristent, soit pour purifier et échauffer le sang et les esprits, parce que la tristesse est un patient d'une complexion froide et sèche. Faites de certaines actions de ferveur, bien que ce soit sans aucun goût, prenant entre vos bras votre crucifix, le serrant sur votre poitrine, baisant les pieds et les mains du Sauveur, levant les yeux et les mains au ciel, élançant votre voix en Dieu par des paroles d'amour et de confiance, comme celle-ci. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Mon bien-aimé est un bouquet de myrrhe sur mon cœur. Mes yeux s'épuisent à force de regarder d'où me viendra le secours qui m'est nécessaire. Et de vous dire, Seigneur, comment me considérez-vous? Ô Jésus, soyez-moi Jésus, vive Jésus, et mon âme vivra. Qui me séparera de l'amour de Dieu? L'usage modéré de la discipline est bon contre la tristesse, parce que cette peine extérieure impère ordinairement la consolation intérieure, et que l'âme sentant quelque douleur de dehors est moins attentive à celle de dedans. Mais la fréquente communion est excellente, car ce pain céleste fortifie le cœur et réjouit l'esprit. Découvrez à votre directeur, avec une humble sincérité, votre tristesse et tout ce que vous en revient de ressentiment et de mauvaises suggestions, et cherchez le plus que vous pourrez les personnes spirituelles. Enfin, résignez-vous à la volonté de Dieu, vous préparant à souffrir patiemment cette ennuyeuse tristesse comme une juste punition de vos vaines joies. Et ne doutez pas que Dieu, après avoir éprouvé votre cœur, ne vienne à son secours. Fin du chapitre 12, quatrième partie.